Bienvenue, chers auditrices, auditeurs de la radio Sanganilo, à ce journal parlé en langue française, dont voici les grands titres. Commémoration ce dimanche du 13e anniversaire du massacre de Banyamulenge dans le camp des réfugiés d'Ogatumba. Les familles des victimes réclament justice. Les acheteurs des matériaux de construction se lamentent de la flambée des prix à Muyinga. Les grossistes évoquent la fluctuation de la monnaie. Les autorités communales d'Omishiha en province de Changuzo se réjouissent de la production de la culture du sorgho dans cette commune. Cette culture contribuera dans le développement de la commune. Vous entendrez le conseiller social et administratif dans ce journal. Certains députés déplorent la non-application de la proposition de l'ombudsman burundais demandant la suspension du service des parkings payants à mairie de Bujumbura. Edouard Nduimana, l'ombudsman burundais, déclare quant à lui que la mise en application et du ressort des institutions habilitées. Au micro, vous êtes avec Pascal Nyanhunze. La mise en onde est assurée par François Akiman. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Commémoration ce dimanche du 13e anniversaire du massacre des Congolais Banyamulenge dans le camp d'Ogatumba. 166 réfugiés ont été tués dans une attaque survenue la nuit du 12 au 13 août 2004. Munyamahoro David, porte-parole de la commission organisatrice des cérémonies de ce dimanche, demande que la justice soit faite. Suivez-le. Nous commémorons aujourd'hui 13 ans, jour pour jour, après la tuerie d'Ogatumba sélectionnée. La tuerie était revendiquée par FNL. Par son porte-parole, Pasteur Habimana. En 2013, on a encore déposé plainte contre le revendicateur présumé auteur de génocide de Banyamulenge à Ogatumba. Le dossier stagne, on ne sait pas pourquoi, mais toutefois, nous, on va commémorer, on va toujours rappeler. Dans la fraîcheur des faits, cette attaque a été revendiquée par Pasteur Habimana, qui était à l'époque porte-parole du mouvement rebelle FNL avant de se rétracter. Certains députés se demandent pourquoi le service de parking payant a continué à mairie de Bujumbura alors que l'ombudsman avait demandé sa suspension pour une bonne réorganisation. Edouard Nduimana l'avait déclaré après un entretien avec le maire de la ville de Bujumbura. Ces députés disent que les propriétaires des véhicules avaient salué cette proposition de l'ombudsman, mais déplorent qu'elle n'a pas été appliquée. Suivez les députés Benigne Rurahinda et Eric Ndaigaya. Sinda Igaya, c'était lors de la présentation du bilan semestriel de l'ombudsman à la cabine technique. On me signale que l'élément n'est pas encore prêt. On y reviendra dans son journal. L'ombudsman burundais a expliqué aux députés que cette institution ne se substitue pas à d'autres organes étatiques. Edouard Nduimana indique que son rôle est de donner les recommandations pour que les organes concernés prennent les décisions qui s'imposent. Mais il a encore une fois dit que le service de parking payant et celui d'enlèvement des déchets ménagers sont entachés d'irrégularités. Vous allez également le suivre dans ce journal. Isanganiro. Page commerce de ce journal, avec une production de lait de plus de 60 000 litres par mois, la seule coopérative de Kivyuka en commune Musigati de la province de Bubanza qui collecte le lait est déjà dépassée par cette grande quantité, comme le témoignent les éleveurs de cette localité. Ils demandent qu'il y ait d'autres acheteurs afin de ne pas travailler à perte. Suivez leur reportage de Space Caritas Cabanyan. Les vaches de race améliorées qui ont été données aux éleveurs par les projets de développement pour défis et paillivables sont au nombre de 613 dans la commune de Musigati, selon le vétérinaire communal. Et la production de lait a beaucoup augmenté jusqu'à 67 000 litres par mois, selon les responsables vétérinaires contactés. Les éleveurs ne sont pas cependant contents de la vente de lait, puisque la seule coopérative de Kivjuka est souvent dépassée par ces grandes quantités, et les éleveurs sont quelquefois contraints à chercher d'autres acheteurs et à un prix très bas. Ils disent que cette coopérative n'achète pas le lait le samedi et quelquefois le dimanche et demande qu'il y ait d'autres coopératives pour désengorger celle de Kizuka. Les responsables vétérinaires disent être au courant de la situation et que le problème pourra bientôt être résolu. Ils déplorent cependant le fait que certains éleveurs passent outre les recommandations et vendent ces vaches, comme ça a été le cas pour des éleveurs actuellement détenus à la prison centrale de Bubanza. Merci à Space Caritas Kabanyana. Flambé des prix des matériaux de construction au marché de Muyinga, les acheteurs de ce produit se lamentent et les grossistes parlent de conséquences de la fluctuation de la monnaie. Dieudonné Zeimana pour plus de détails. Entre autres matériaux de construction dont les prix ont grimpé ces jours, c'est le ciment. Un sac est passé de 25 000 francs à 27 000, voire 30 000 en une semaine au marché de Muyinga. Pour les acheteurs, c'est de la pire spéculation. Difficile de connaître les prix officiels, ça change du matin au soir, du jour au jour. Les grossistes qui ont en premier lieu majoré les prix parlent de suite logique de la loi du marché. Quand ils s'approvisionnent à des prix élevés à cause de la fluctuation monétaire ou la rareté de la marchandise, le prix de vente doit aussi être revu à la hausse, déclare-t-il. Cette hausse n'épargne d'autres produits importés tels les tôles et le fer à béton. Les acheteurs regrettent que cette flambée des prix des matériaux de construction pour l'essentiel importés vient empirer la situation. Depuis quelques temps, ce sont les matériaux locaux tels le sable et les briques qui ont vu les prix revus à la hausse à raison de 10 000 francs par exemple par benne de sable. Les exploitants de ces matériaux ayant décidé ainsi pour récupérer les frais exigés et par les services de l'environnement et l'Office burundais des recettes aux exploitants des mines et carrières, sans oublier les frais pour autorisation de transport. Dieudonné Nzeyimana, de Muyinga pour la radio Isanganiro. Merci à Dieudonné Nzeyimana. De Muyinga, rendons-nous à l'est du pays où la culture du sorgho blanc en commune Michiha de la province de Tchanguzo pourrait permettre une valeur ajoutée aux taxes perçues par la commune. Le conseil social et administratif de la commune se réjouit de cette nouvelle culture achetée aujourd'hui par l'entreprise Brarudi. Innocent Manirambona reste confiant que la taxe qui sera perçue pourra aider dans le développement de la commune. Je vous prie de le suivre. Nous apprécions bien la culture du sorgho appelé Urubere de la part de la population, surtout que c'est une culture, si vous voulez, nouvelle qu'on a instaurée ici en commune Michiha, mais que nous avons vu que c'est une culture qui habite bien dans notre commune. Au niveau de la commune, si la population produit beaucoup, la commune reçoit, je dirais, une taxe qui peut contribuer au développement de la commune. Au niveau de la population, là aussi, s'ils produisent une quantité suffisante, et la population aussi essaie de se développer et même dans leur ménage, car la société Brarudi a essayé de donner 800 francs par kilo. Je dirais que la population vraiment apprécie bien de cultiver le sorgho parce qu'ils voient que, après avoir cultivé le sorgho et après sa production, ils voient déjà où ils peuvent vendre leur production. C'est pourquoi ils sont intéressés de cultiver cette culture de sorgho parce qu'ils voient directement là où ils peuvent écouler leurs produits. Innocent Manirambona, conseiller communal et administratif de la commune Michiha. Je vous le disais dans ce journal, certains députés se demandent pourquoi le service de parking payant a continué en mairie de Bujumbura alors que l'ombudsman avait demandé sa suspension pour une bonne réorganisation. Edouard Nduimana l'avait déclaré après un entretien avec le maire de la ville de Bujumbura. Ces députés disent que les propriétaires des véhicules avaient salué cette proposition de l'ombudsman mais déplorent qu'elle n'a pas été appliquée. Suivez les députés Benigne Rurahinda et Eric Sindaigaya. C'était lors de la présentation du bilan semestriel de l'ombudsman. Les citadins s'étaient réjouis de votre déclaration vu la situation telle qu'elle se présentait. Mais par après, nous avons vu le contraire. Ce service a continué à fonctionner. Ils ont même amélioré ce service. Par rapport à ce que vous aviez déclaré, nous voudrions savoir la suite. Les citadins avaient manifesté un ouf de soulagement après votre déclaration concernant leur inquiétude. Mais ici et là, nous remarquons que votre déclaration n'a pas été exécutée. Surtout, nous parlons ici des décisions de la mairie relatives au parking payant dont vous aviez proposé la suspension, mais qui a continué. Quand on leur demande pourquoi ils ont continué à faire payer cet argent, ils répondent en disant que celui qui leur a embauché ne s'est pas encore désengagé. Et celui qui devrait s'en acquitter se trouve embarrassé. Est-ce qu'il arrivera que votre proposition soit appliquée? L'Ombudsman a expliqué aux députés que cette institution ne se substitue pas à d'autres organes étatiques. Edouard Ndouimana indique que son rôle est de donner les recommandations pour que les organes concernés prennent les décisions qui s'imposent. Mais il a encore une fois dit que le service de parking payant et celui d'enlèvement des déchets ménagers sont entachés d'irrégularité. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir écouté. Merci à François Kiman pour sa collaboration technique. Au revoir et bonne écoute de la radio Isanganiro.